Sur la question des luttes, en fait, au niveau de la Poste, le 14 novembre dernier, donc il y avait le blocage de la plateforme colis Dureux fait par la Géinterpro essentiellement. Et c'était en lien avec le fait que depuis un certain temps, il y a eu un certain nombre de grèves qui se sont multipliées à l'intérieur de la boîte, à l'intérieur notamment de la plateforme colis Dureux, sur essentiellement des questions d'ordre soit disciplinaire, soit sur des questions de modification de régime de travail. Il faut savoir que la Poste est une zone de non-droit. Alors peut-être que c'est le seul endroit en France où il y a 120 000 salariés de droit privé et qui sont privés de droit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'élection de délégués du personnel. Comme il n'y a pas de comité d'entreprise, eh ben, ils n'ont pas de représentants au comité d'entreprise. C'est quand même assez extraordinaire. 120 000 personnes. Fantastique, non? Et donc, par rapport à cette situation-là, La Poste, en plus, embauche effectivement un certain nombre d'intérimaires, ce qu'a dit le camarade tout à l'heure, c'est-à-dire des intérimaires, et ça s'est passé dans le mois d'octobre 3 fois. Donc les collègues partent en grève et immédiatement, le patron, enfin la direction de la Poste, appelle une agence d'intérim qui s'appelle RAS. Il l'appelle Bip Bip Pizza à l'intérieur de la plateforme Colis Dureux parce que dans le quart d'heure qui suit, il y a 30 personnes qui se présentent pour remplacer les grévistes, ce qui est quand même assez fort. Et donc, on a à la fois un conflit qui est sur la plateforme Colis Dureux, on a un conflit qui est sur la plateforme industrielle Courrier, mais qui est du côté de la route de Verne, pardon, de comment, du Vallon. Sur la route de Nantes, qui est un énorme entrepôt où il y a 400 personnes qui y travaillent et qui passent environ 5, enfin, entre 3 et 5 millions de lettres par jour, par 24 heures. Et donc là, le 10 novembre, toute la brigade du matin débrayait, puisqu'il y a une modification des horaires de travail et que la direction de la Poste veut imposer une espèce de 3-8 pour faire en sorte que les machines tournent 24 heures sur 24, alors que à l'heure actuelle, notamment le dimanche, elles ne tournent pas le dimanche, elles commencent à tourner qu'à partir de 19h30. Bon, et donc il y a eu l'introduction de deux dimanches travaillés, notamment dimanche hier, dimanche matin en 7-13, avec un certain nombre d'étudiants d'ailleurs qui travaillent le samedi après-midi et qui sont venus faire des heures supplémentaires le dimanche matin et faire tourner les bécanes. Troisième point de lutte, c'est toute la partie des facteurs. Bon, il y en a 700-800 en Ille-et-Vilaine et qui est systématiquement émaillé de lutte de grève. Bon, la dernière en date, c'était celle, je crois que Fred y était, je crois, Gaëtan, peut-être bien, à Janzé, hein? Et donc, contre les réorganisations, puisque la direction de la Poste a décidé unilatéralement de se donner 2 ans pour changer totalement les métiers à la Poste, et notamment le métier de facteur. Donc, vous avez sans doute vu de la pub en pagaille sur Veiller sur mes parents. C'est-à-dire que ça ressemble à de la prostitution, si vous voulez. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez des relations humaines qui étaient gratuites. Le facteur, il arrivait, salut, salut, tiens, la petite dame, etc. Bah maintenant, elles sont tarifées. C'est tout bête, hein? C'est les 29 euros par mois. Bon, c'est moins qu'une prostituée, peut-être, je n'en sais rien, mais c'est quand même tarifé. Donc, on voit à peu près où est-ce qu'on en est à ce niveau-là. Et donc, évidemment, il y a aujourd'hui une certaine forme de résistance des facteurs, même si la résistance que nous, on souhaite, est quand même insuffisante. Donc là, je ne vais peut-être pas faire plaisir à mes petits camarades, mais en l'état actuel des choses, il n'y a aucune unité syndicale à l'intérieur de la Poste, puisqu'il y a eu un accord qui a été fait pour les 65 000 facteurs, qui a été signé par la CFDT, EFO, la CGC. Il fallait qu'il y ait une opposition de 50%, enfin deux syndicats qui représentent 50%. Nous, on représentait 23, la CGT en représentait 32. On a bien fait valoir notre droit d'opposition, mais il a dû nous manquer un autre syndicat pour faire valoir son droit d'opposition, pour en faire en sorte que cet accord-là tombe, qui est toujours d'ailleurs un accord pourri et sur lequel s'appuie la direction pour faire toutes les restructurations. Dernier point, vous avez peut-être pas entendu ou vous avez entendu le fait qu'il y a des ouvertures de livraison du colis le dimanche. Alors, il faut savoir que en réalité, ce n'est fait que par des sous-traitants ou des auto-entrepreneurs ou des pseudo-auto-entrepreneurs. Il y a eu comment un accident en 2013 qui a donné lieu la semaine, non, la semaine dernière, je ne vais pas dire la semaine dernière, c'est il y a 15 jours, à la mise en examen du directeur du centre d'Issy-les-Moulineaux, de La Poste en tant que personne morale, pour homicide involontaire, puisqu'il y a un des distributeurs, non seulement personne ne le connaissait parce qu'il n'avait aucun contrat de travail, et on ne sait pas comment il a été embauché, et ensuite il s'est noyé, je ne sais plus exactement à quel endroit, en livrant ses colis. Et donc, il y a une procédure qui est en cours pour bien vous montrer que, à la fois, les patrons de la poste sont bien dénégriés, mais plus que dénégriés, c'est-à-dire que normalement, ils devraient être condamnés et une bonne partie d'entre eux devraient finir leur jour, j'allais dire, derrière les barreaux, si effectivement on arrivait un tant soit peu à prendre un peu de pouvoir, nous, au niveau des salariés. Donc, voilà en gros la situation des luttes. Il va y avoir, sur la période de décembre, un certain nombre de luttes. Je ne peux pas vous en dire plus parce que, compte tenu des difficultés et des rapports sociaux extrêmement durs que nous avons avec la direction, nous, on s'arrête de bosser 10 minutes. C'est un 30e qui saute immédiatement. Hein, faut le savoir. Même si tu vas voir en délégation de masse en disant, moi, je veux telle revendication, on a affaire à quelqu'un qui regarde sa montre et qui dit dans 2 minutes, si vous n'avez pas repris le boulot, bah c'est simple, un trentième de votre salaire qui saute. Point. Et vous voyez que comme quoi, il y a un vrai dialogue social, sympathique et détendu. Donc il se fait qu'en face, évidemment, nous, on a à peu près, on est obligé, si je puis dire, de resserrer les boulons et d'avoir sans doute des méthodes qui ne sont pas uniquement que syndicales. Et puisque bon, on a été un certain nombre d'entre nous, au niveau du syndicat Sud PTT, qui ont été mis en examen pour avoir brûlé en février 2000 un centre de tri parallèle pour briser une grève qui existait. Ça s'est terminé par un non-lieu, mais quand même, c'est pour vous montrer un peu l'âpreté des rapports sociaux qui peut exister à l'intérieur de la Poste. Et donc pour terminer, je disais au mois de décembre, on envisage évidemment de faire quelques luttes sur la période qui est la période la plus tendue, que ce soit en distribution, en traitement, en tri colis, en distribution colis ou en courrier tout simplement. Et sauf que évidemment, on ne l'annoncera pas à l'avance. Alors on a une particularité, nous, au niveau de Sud PTT, c'est qu'on dépose un préavis de grève tous les jours. Donc ça nous demande beaucoup de boulot, je peux vous le dire. Hein. Au niveau du syndicat, ça nous demande beaucoup de boulot, puisque normalement, la grève est légale qu'à partir du moment à la poste, qu'à partir du moment où on dépose un préavis de grève qui est normalement 5 jours à l'avance. Donc ce qu'on fait, et ça dure depuis 1 an et demi, en fait, ben, par exemple aujourd'hui, mes collègues du syndicat, ils ont déposé un préavis de grève pour le 27, le lundi 27. Demain, je suis au syndicat, je vais déposer un préavis de grève pour tous les postiers d'Ille-et-Vilaine pour le mardi 28. Et on continue comme ça. Ce qui fait que n'importe quel postier d'Ille-et-Vilaine peut démarrer une grève quand il veut.